Livre 4, troisième partie. Combien la bord de Paris démentit l'idée que j'en avais. La décoration extérieure que j'avais vue à Turin, la beauté des rues, la symétrie et l'alignement des maisons, me faisaient chercher à Paris autre chose encore. Je m'étais figuré une ville aussi belle que grande, de l'aspect le plus imposant, où l'on ne voyait que de superbes rues, des palais de marbre et d'or. En entrant par le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l'air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des ravaudeuses, des crieuses de tisane et de vieux chapeaux. Tout cela me frappa d'abord à tel point que tout ce que j'ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n'a pu détruire cette première impression, et qu'il m'en est resté toujours un secret dégoût pour l'habitation de cette capitale. Je puis dire que tout le temps que j'y ai vécu dans la suite ne fut employé qu'à y chercher des ressources pour me mettre en état d'en vivre éloigné. Tel est le fruit d'une imagination trop active qui exagère par-dessus l'exagération des hommes et voit toujours plus que ce qu'on lui dit. On m'avait tant vanté Paris que je me l'étais figuré comme l'ancienne Babylone, dont je trouverais peut-être autant à rabattre si je l'avais vue, du portrait que je m'en suis fait. La même chose m'arriva à l'opéra, où je me pressais d'aller le lendemain de mon arrivée. La même chose m'arriva dans la suite à Versailles, dans la suite encore en voyant la mer, et la même chose m'arrivera toujours en voyant des spectacles qu'on m'aura trop annoncés. Car il est impossible aux hommes, et difficile à la nature elle-même, de passer en richesse mon imagination. À la manière dont je fus reçu de tous ceux pour qui j'avais des lettres, je crus ma fortune faite. Celui à qui j'étais le plus recommandé, et qui me caressa le moins, était M. de Surbecq, retiré du service et vivant philosophiquement à Bagneux, où je fus le voir plusieurs fois, et où jamais il ne m'offrit un verre d'eau. J'eus plus d'accueil de Madame de Merveilleux, belle-sœur de l'interprète, et de son neveu, officier aux gardes. Non seulement la mère et le fils me reçurent bien, mais ils m'offrirent leur table, dont je profitai souvent durant mon séjour à Paris. Madame de Merveilleux me parut avoir été belle. Ses cheveux étaient d'un beau noir, et faisait, à la vieille mode, le crochet sur ses tempes. Il lui restait ce qui ne périt point avec les attraits, un esprit très agréable. Elle me parut goûter le mien, et fit tout ce qu'elle put pour me rendre service. Mais personne ne la seconda, et je fus bientôt désabusé de tout ce grand intérêt qu'on avait paru prendre à moi. Il faut pourtant rendre justice aux Français. Ils ne s'épuisent point autant qu'on dit en protestation, et celles qu'ils font sont presque toujours sincères. Mais ils ont une manière de paraître s'intéresser à vous qui trompe plus que des paroles. Les gros compliments des Suisses n'en peuvent imposer qu'à des sots. Les manières des Français sont plus séduisantes en cela même qu'elles sont plus simples. On croirait qu'ils ne vous disent pas tout ce qu'ils veulent faire pour vous surprendre plus agréablement. Je dirais plus. Ils ne sont point faux dans leurs démonstrations. Ils sont naturellement officieux, humains, bienveillants, et même, quoi qu'on en dise, plus vrais qu'aucune autre nation. Mais ils sont légers et volages. Ils ont en effet le sentiment qu'ils vous témoignent. Mais ce sentiment s'en va comme il est venu. En vous parlant, ils sont pleins de vous. Ne vous voient-ils plus? Ils vous oublient. Rien n'est permanent dans leur cœur. Tout est chez eux l'œuvre du moment. Je fus donc beaucoup flatté et peu servi. Ce colonel Godard, au neveu duquel on m'avait donné,

s'unit, s'identifie à ce qui le flatte, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. Si, pour les fixer, je m'amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d'expression je leur donne. On a, dit-on, trouvé de tout cela dans mes ouvrages, quoique écrit vers le déclin de mes ans. Oh, si l'on eût vu ceux de ma première jeunesse, ce que j'ai fait durant mes voyages, ce que j'ai composé et que je n'ai jamais écrit. Pourquoi, direz-vous, ne les pas écrire? Mais pourquoi les écrire? Vous répondrai-je. Pourquoi m'ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d'autres que j'avais joui? Que m'importaient des lecteurs, un public et toute la terre, tandis que je planais dans le ciel? D'ailleurs, portais-je avec moi du papier, des plumes? Si j'avais pensé à tout cela, rien ne me serait venu. Je ne prévoyais pas que j'aurais des idées. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Elles ne viennent point, ou elles viennent en foule, elles m'accablent de leur nombre et de leur force. 10 volumes par jour n'auraient pas suffi. Ou prendre du temps pour les écrire. En arrivant, je ne songeais qu'à bien dîner. En partant, je ne songeais qu'à bien marcher. Je sentais qu'un nouveau paradis m'attendait à la porte. Je ne songeais qu'à l'aller chercher. Jamais je n'ai si bien senti tout cela que dans le retour dont je parle. En venant à Paris, je m'étais borné aux idées relatives à ce que j'y allais faire. Je m'étais élancé dans la carrière où j'allais entrer, et je l'avais parcourue avec assez de gloire. Mais cette carrière n'était pas celle où mon cœur m'appelait, et les êtres réels nuisaient aux êtres imaginaires. Le colonel Godard et son neveu figuraient mal avec un héros tel que moi. Grâce au ciel, j'étais maintenant délivré de tous ces obstacles. Je pouvais m'enfoncer à mon gré dans le pays des chimères, car il ne restait que cela devant moi. Aussi, je m'y égarais si bien que je perdis réellement plusieurs fois ma route. Et j'eusse été fort fâché d'aller plus droit, car sentant qu'à Lyon, j'allais me retrouver sur la terre, j'aurais voulu n'y jamais arriver. Un jour, entre autres, m'étant à dessein détourné pour voir de près un lieu qui me parut admirable, je m'y plus si fort, et j'y fis tant de tours, que je me perdis enfin tout à fait. Après plusieurs heures de course inutile, là, et mourant de soif et de faim, j'entrai chez un paysan dont la maison n'avait pas belle apparence. Mais c'était la seule que je visse aux environs. Je croyais que c'était comme à Genève ou en Suisse, où tous les habitants, à leur aise, sont en état d'exercer l'hospitalité. Je priai celui-ci de me donner à dîner en payant. Il m'offrit du lait écrémé et de gros pains d'orge en me disant que c'était tout ce qu'il avait. Je buvais ce lait avec délice et je mangeais ce pain, paille et tout. Mais cela n'était pas fort restaurant pour un homme épuisé de fatigue. Ce paysan, qui m'examinait, jugea de la vérité de mon histoire par celle de mon appétit. Tout de suite, après m'avoir dit qu'il voyait bien que j'étais un bon jeune honnête homme, qui n'était pas là pour le vendre, il ouvrit une petite trappe à côté de sa cuisine, descendit, et revint un moment après avec un bon pain bis de pur froment, un jambon très appétissant, quoique entamé, et une bouteille de vin dont l'aspect me réjouit le cœur plus que tout le reste. On joignit à cela une omelette assez épaisse, et je fis un dîner tel qu'autre qu'un piéton n'en connut jamais. Quand se vint à payer, voilà son inquiétude et ses craintes qui le reprennent. Il ne voulait point de mon argent. Il le repoussait avec un trouble extraordinaire. Et ce qu'il y avait de plaisant était que je ne pouvais imaginer de quoi il avait peur. Enfin, il prononça en frémissant ces mots terribles de commis et de rat de cave. Il me fit entendre qu'il cachait son vin à cause des aides, qu'il cachait son pain à cause de la taille, et qu'il serait un homme perdu si l'on pouvait se douter qu'il ne mourût pas de faim.

J'étais si troublée qu'au lieu de gagner mon logis par la rue Saint-Dominique, je courus du côté du quai et ne m'arrêtai qu'au-delà du pont de bois, aussi tremblant que si je venais de commettre un crime. J'étais sujet au même vice. Ce souvenir m'en guérit pour longtemps. À ce voyage-ci, j'eus une aventure à peu près du même genre, mais qui me mit en plus grand danger. Sentant mes espèces tirées à leur fin, j'en ménageais le chétif reste. Je prenais moins souvent des repas à mon auberge, et bientôt je n'en pris plus du tout, pouvant pour 5 ou 6 sous à la taverne me rassasier tout aussi bien que je faisais là pour mes 25. N'y mangeant plus, je ne savais comment y aller coucher, non que j'y dusse grand-chose, mais j'avais honte d'occuper une chambre sans rien faire gagner à mon hôtesse. La saison était belle. Un soir, qu'il faisait fort chaud, je me déterminai à passer la nuit dans la place. Et déjà, je m'étais établi sur un banc, quand un abbé, qui passait, me voyant ainsi couché, s'approcha et me demanda si je n'avais point de gîte. Je lui avouai mon cas. Il en parut touché. Il s'assit à côté de moi et nous causâmes. Il parlait agréablement. Tout ce qu'il me dit me donna de lui la meilleure opinion du monde. Quand il me vit bien disposé, il me dit qu'il n'était pas logé fort au large, qu'il n'avait qu'une seule chambre, mais qu'assurément il ne me laisserait pas coucher ainsi dans la place, qu'il était tard pour me trouver un gîte, et qu'il m'offrait, pour cette nuit, la moitié de son lit. J'accepte l'offre, espérant déjà me faire un ami qui pourrait m'être utile. Nous allons. Il bat le fusil. Sa chambre me parut propre dans sa petitesse. Il m'en fit les honneurs fort poliment. Il tira d'une armoire un pot de verre où étaient des cerises à l'eau-de-vie. Nous en mangeâmes chacun deux et nous fûmes nous coucher. Cet homme avait les mêmes goûts que mon juif de l'hospice, mais il ne les manifestait pas si brutalement. Soit que, sachant que je pouvais être entendu, il craignit de me forcer à me défendre, soit qu'en effet il fut moins confirmé dans ses projets. Il n'osa m'en proposer ouvertement l'exécution et cherchait à m'émouvoir sans m'inquiéter. Plus instruit que la première fois, je compris bientôt son dessein, et j'en frémis. Ne sachant ni dans quelle maison, ni entre les mains de qui j'étais, je craignis, en faisant du bruit, de le payer de ma vie. Je feignis d'ignorer ce qu'il me voulait. Mais, paraissant très importuné de ses caresses et très décidé à n'en pas endurer le progrès, je fis si bien qu'il fut obligé de se contenir. Alors je lui parlai avec toute la douceur et toute la fermeté dont j'étais capable. Et, sans paraître rien soupçonner, je m'excusai de l'inquiétude que je lui avais montrée sur mon ancienne aventure, que j'affectai de lui conter en termes si pleins de dégoût et d'horreur que je lui fis, je crois, mal au cœur à lui-même, et qu'il renonça tout à fait à son sale dessein. Nous passâmes tranquillement le reste de la nuit. Il me dit même beaucoup de choses très bonnes, très sensées, et ce n'était assurément pas un homme sans mérite, quoique ce fût un grand vilain. Le matin, monsieur l'abbé, qui ne voulait pas avoir l'air mécontent, parla de déjeuner et pria une des filles de son hôtesse, qui était jolie, d'en faire apporter. Elle lui dit qu'elle n'avait pas le temps. Il s'adressa à sa sœur, qui ne daigna pas lui répondre. Nous attendions toujours. Point de déjeuner. Enfin, nous passâmes dans la chambre de ces demoiselles. Elles reçurent monsieur l'abbé d'un air très peu caressant. J'eus encore moins à me louer de leur accueil. L'aîné, en se retournant, m'appuya son talon pointu sur le bout du pied, où un corps fort douloureux m'avait forcé de couper mon soulier. L'autre vint ôter brusquement de derrière moi une chaise sur laquelle j'étais prêt à m'asseoir. Leur mère, en jetant de l'eau par la fenêtre, m'en aspergea le visage. En quelque place que je me misse, on m'en faisait ôter pour y chercher quelque chose. Je n'avais été de ma vie à pareille fête. Je voyais dans leurs regards insultants et moqueurs une fureur cachée

Non loin d'une montagne coupée qu'on appelle le pas de l'échelle, au-dessous du grand chemin taillé dans le roc, à l'endroit appelé Chaille, court et bouillonne dans des gouffres affreux une petite rivière qui paraît avoir mis à les creuser des milliers de siècles. On a bordé le chemin d'un parapet pour prévenir les malheurs. Cela faisait que je pouvais contempler au fond et gagner des vertiges tout à mon aise. Car ce qu'il y a de plaisant dans mon goût pour les lieux escarpés est qu'ils me font tourner la tête. Et j'aime beaucoup ce tournoiement, pourvu que je sois en sûreté. Bien appuyé sur le parapet, j'avançais le nez et je restais là des heures entières, entrevoyant de temps en temps cette écume et cette eau bleue dont j'entendais le mugissement à travers les cris des corbeaux et des oiseaux de proie qui volaient de roche en roche et de broussaille en broussaille à 100 toises au-dessous de moi. Dans les endroits où la pente était assez unie et la broussaille assez claire pour laisser passer des cailloux, j'en allais chercher au loin d'aussi gros que je les pouvais porter. Je les rassemblais sur le parapet en pile, puis, les lançant l'un après l'autre, je me délectais à les voir rouler, bondir et voler en 1000 éclats avant que d'atteindre le fond du précipice. Plus près de Chambéry, j'eus un spectacle semblable en sens contraire. Le chemin passe au pied de la plus belle cascade que je vis de mes jours. La montagne est tellement escarpée que l'eau se détache net et tombe en arcade assez loin pour qu'on puisse passer entre la cascade et la roche, quelquefois sans être mouillé. Mais si l'on ne prend bien ses mesures, on y est aisément trompé, comme je le fus. Car, à cause de l'extrême hauteur, l'eau se divise et tombe en poussière, et lorsqu'on approche un peu trop de ce nuage, sans s'apercevoir d'abord qu'on se mouille, à l'instant on est tout trempé. J'arrive enfin. Je la revois. Elle n'était pas seule. Monsieur l'intendant général était chez elle au moment que j'entrais. Sans me parler, elle me prend la main et me présente à lui avec cette grâce qui lui ouvrait tous les cœurs. « Le voilà, monsieur, ce pauvre jeune homme. Daignez le protéger aussi longtemps qu'il le méritera. Je ne suis plus en peine de lui pour le reste de sa vie. » Puis, m'adressant la parole, « Mon enfant, me dit-elle, vous appartenez au roi. Remerciez monsieur l'intendant qui vous donne du pain. » J'ouvrais de grands yeux sans rien dire, sans savoir trop qu'imaginer. Il s'en fallut peu que l'ambition naissante ne me tournât la tête et que je ne fisse déjà le petit intendant. Ma fortune se trouva moins brillante que sur ce début je ne l'avais imaginé. Mais quant à présent, c'était assez pour vivre, et pour moi, c'était beaucoup. Voilà de quoi il s'agissait. Le roi Victor Amédée, jugeant par le sort des guerres précédentes et par la position de l'ancien patrimoine de ses pères qu'il lui échapperait quelque jour, ne cherchait qu'à l'épuiser. Il y avait peu d'années qu'ayant résolu d'en mettre la noblesse à la taille, il avait ordonné un cadastre général de tout le pays afin que, rendant l'imposition réelle, on pût la répartir avec plus d'équité. Ce travail, commencé sous le père, fut achevé sous le fils. 200 ou 300 hommes, tant arpenteurs qu'on appelait géomètres, qu'écrivains qu'on appelait secrétaires, furent employés à cet ouvrage. Et c'était parmi ces derniers que maman m'avait fait inscrire. Le poste, sans être fort lucratif, donner de quoi vivre au large dans ce pays-là. Le mal était que cet emploi n'était qu'à temps, mais il m'était en état de chercher et d'attendre, et c'était par prévoyance qu'elle tâchait de m'obtenir de l'intendant une protection particulière pour pouvoir passer à quelque emploi plus solide quand le temps de celui-là serait fini. J'entrai en fonction peu de jours après mon arrivée. Il n'y avait à ce travail rien de difficile et je fus bientôt au fait. C'est ainsi qu'après 4 ou 5 ans de courses, de folies et de souffrances depuis ma sortie de Genève,